weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Coucou à tous! Et vous le savez, hein, maintenant, comme tous les jours à midi, c'est l'heure de se coucouner, de se lever, de se poser dans la bulle. Bienvenue. Et avant de commencer cette émission, je vous propose de vous lancer directement avec moi dans une première bulle de son. Nous écouterons ensuite Robin qui sera avec nous au téléphone pour nous parler de l'association Les Semeurs d'Art. Mais je ne vous en dis pas plus, il en parlera très bien lui-même. On se lance dans Mystery of Love par Sufjan Stevens et on se retrouve juste après. Ne bougez pas. Earth mark on Voilà pour notre première bulle de son. C'est parti pour le voyage direction l'association Les Semeurs d'Art avec Robin. Direction l'interview tout de suite. C'est parti. Aujourd'hui avec moi par téléphone, Robin est avec nous pour voyager et partager. Robin, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Eh bien, c'est super. Merci d'être avec nous, en tout cas, dans la bulle. Alors aujourd'hui, on parle de Semeur d'Art, une association qui, comme son nom l'indique, je cite, soutient des projets artistiques, mais surtout ceux liés à la découverte et à la perception de l'environnement. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça, je ne le dirais pas mieux. Eh bien, c'est super. Alors, où se trouve déjà, pour commencer, cette association Semeur d'Art ? Pour nous situer ? Alors, entre Nancy et Metz, du côté de Pont-à-Mousson, avec une présence forte sur le territoire du parc naturel régional de Lorraine. D'accord, ok. Alors, l'association Semeur d'Art propose aussi des actions sur des sites que vous sélectionnez ensemble en intérieur ou en extérieur. Donc, non, même si on est un petit peu loin, eh bien, on peut avoir la chance de rencontrer certains artistes. Et je cite encore cette phrase, m'a particulièrement touchée sur votre site, car vous avez un superbe site internet dont nous mettrons le lien avec le podcast de cette émission. Et si nous prenions le temps de regarder, d'écouter notre environnement et d'exprimer par la voix, le corps, la sculpture, le dessin, ce qu'il provoque en nous, c'est vraiment très très bien dit et ça donne très envie d'en savoir plus sur cette association. Alors déjà pour commencer, Robin, quel est votre rôle au sein justement de l'association Semeur d'Art ? Alors l'association s'est constituée autour d'un groupe d'artistes. D'accord. Et donc je suis un de ces artistes. D'accord. Et fortement impliqué dans... à la fois dans la création et dans la dynamique de l'association, j'ai pris un peu le rôle de coordinateur artistique. Ouais, d'accord, ok. Quel genre d'art proposez-vous ? Alors, à titre personnel, moi, je suis metteur en scène et comédien. D'accord, eh bien, dis donc. Alors, depuis combien de temps existe l'association Semeur d'Art ? L'association a été créée en 2014, mais en fait, ça faisait depuis déjà, je dirais, depuis... 2007-2008, que nous D'accord. étions un groupe d'artistes à travailler avec des structures d'éducation en environnement oui. qui ont une approche tout à fait naturaliste D'accord. et à travailler sur des complémentarités. Okay. Et du coup, on s'est rendu compte du besoin un peu de donner de la lisibilité à notre présence. D'accord, ok. Alors justement, dans quel but vraiment a-t-elle été créée cette association ? Vous nous parlez un petit peu de ce que vous venez de nous dire. Est-ce qu'il y a d'autres buts, d'autres vraiment motivations pour dans cette création d'association ? Ah bien, le but premier, c'est de dire à tout le monde finalement, regardez autour de vous, touchez, sentez, écoutez, prenez un petit peu de temps pour vous reconnecter avec votre environnement, ou pour vous connecter d'ailleurs simplement avec votre oui. environnement et y devenir créateur ou y découvrir des œuvres, puisque vraiment la question première du travail de l'association, c'est de se dire la question artistique, elle se construit de ce qu'on perçoit de ce qu'il y a autour de nous, et donc finalement, j'aime pas le mot prétexte, mais j'en trouve pas trop d'autres ce matin. Mais c'est un peu une belle occasion, effectivement, c'est ça. C'est une belle occasion de se reconnecter ou de s'immerger. D'accord, donc vraiment on est en symbiose avec ce qui nous entoure, la nature, l'environnement, on prend le L'autre temps... aussi. L'autre aussi ? L'autre aussi, l'environnement ça ne s'arrête pas à l'environnement naturel oui. et aux plantes. Ça, l'environnement c'est aussi l'environnement historique, l'environnement social, c'est aussi la culture, c'est la diversité culturelle, je crois qu'il y a la dimension de curiosité derrière, je crois. D'accord. Ok, ben dis donc, tout un programme. Alors, les artistes partageant des valeurs communes, environnementales, artistiques, mais aussi dans le savoir-vivre ensemble, hein, c'est un petit peu ce que vous venez nous dire. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les artistes, justement, que l'association Semeur d'Art soutient ? Bien sûr. Peut-être je vais parler des projets qui sont en cours cette année, oui, par exemple, ce sera plus simple, ce sera plus concret. Je vais prendre une action qu'on mène là sur tout l'été, par exemple. D'accord. Qui s'appelle la tournée des summers. Oui. Vous avez dû voir des liens, et des oui. petites choses sur le site. Du 9 juillet au 31 août. C'est ça, exactement. Où là, ce sont des actions sur dans des villages. D'accord. Où on amène deux plasticiennes par jour. Il y a trois plasticiennes qui participent au projet. D'accord. Donc Martine Mazot, qui l'a déjà mené l'année dernière, qui l'amène cette année, qui est à l'origine du projet. Et puis deux autres plasticiennes, Emmanuel Jobard, Caroline Antoine, qui rejoignent le projet cette année, qui viennent aussi dans une dynamique où quelque part on leur a donné la possibilité d'expérimenter aussi leur art à travers une position d'action culturelle, puisque là en l'occurrence ce sont deux artistes qui soit sortent de l'école, soit rentrent dans leur métier d'artiste, et la dimension de l'action culturelle est quelque chose pas forcément, auquel on n'est pas forcément confronté dans le temps de notre formation, et oui. pourtant on y est confronté tout le long de notre carrière ensuite. Avec plaisir d'ailleurs, nous ça fait partie du corps de notre oui. des raisons d'être de l'association. Et du coup, la tournée traverse des villages, donne un rendez-vous hebdomadaire aux gens dans le village pour aller à la rencontre des gens du village, de l'environnement direct de son village, mais sur le biais du regard artistique qu'on peut y porter. En disant, tiens, tout d'un coup, les végétaux qu'il y a autour de nous, qu'est-ce qu'on peut en faire ? D'accord. Par exemple. Hier, il était sur des pratiques de tatakizomé. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah non, pas du tout. Dites-nous en plus c'est sujet. C'est des pratiques ancestrales de japonaises d'impression végétale sur tissu. D'accord. Ah, ça, c'est sympa. Oui, c'est très sympathique. C'est très musical aussi, puisqu'en même temps, ça consiste à taper avec un maillet sur du tissu pour imprimer le végétal à travers. Donc, c'est très musical comme surf. Ah oui, oui. On allie l'utile et l'agréable. C'est plutôt pas mal. Donc, du 9 au 31 août, donc la tournée fait escale sur 5 villages, je cite. Qu'est-ce qu'on y retrouve au sein de cette tournée ? Donc, vous nous parliez un petit peu d'un atelier d'impression végétale. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? Alors, ce qu'on y retrouve, c'est vraiment la dynamique de la créativité. La question qui se pose pour Martine, Emmanuel ou Caroline, c'est oui. de dire, on vient ouvrir des portes. On ne va pas dire de vous, allez hop, vous êtes des artistes, parce qu'on on vous amène à une façon de faire, où on dit, faites ceci. On ne vient pas vous piloter. On vient vous ouvrir des portes et vous dire tout d'un coup, voilà, on amène un regard et une autre façon de regarder, en se disant tous ensemble, finalement, tiens, là, on est assis sur une place, qu'est-ce qu'il y a autour de nous sur cette place ? Autour de nous, il y a des noyers. Oui. Eh bien, des noyers, qu'est-ce qu'on peut faire avec au pied des noyers, on voit qu'il y a quelques noix qui sont tombées, il y a peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Il y a des feuilles, les feuilles de noyers qui ont une forme très particulière, et ces éléments peuvent devenir, par exemple, objets de création. Tout à fait. Voilà. Donc du coup, et la question qui se pose pour chacun finalement est de se dire, moi qu'est-ce que j'en fais ? C'est pas d'attendre que l'artiste me conduise en me disant, tiens tu pourrais en faire ça, c'est de dire, tiens, l'artiste finalement, le rôle des artistes dans cette mission-là, c'est de confronter tout un chacun à sa propre créativité, en se disant, tiens, je suis en capacité de créer, j'invente, je suis en capacité de réussir, mais aussi d'explorer, et puis de rater, de recommencer. Et oui, on prend des initiatives, on prend confiance en soi, et puis on ne rate jamais, il n'y a que des expériences parfois qui ne se déroulent pas comme on l'aurait prévu, et puis il suffit de recommencer pour réussir sans problème. Donc là, vous nous expliquez que le public, eh bien, il a toute sa place au sein de cette tournée, et il participe avec l'artiste. Alors, il fait plus... non seulement il participe, mais il est la raison d'être de la tournée. D'accord, ok. Alors, l'objet vraiment de la tournée, c'est de donner un espace de créativité à tout un chacun, sans limite d'âge, et puis dans un objectif de rencontre aussi, donc de création d'espace de convivialité. Je peux prendre l'exemple d'hier soir, où c'était on a vécu une fin de journée, une soirée à Velaine-sous-Amance. D'accord. Où Hein, on a vu des gens arriver au début, se regrouper un peu, rester en famille, puis se retrouver en amis, puis créer ensemble. Et puis si on peut sentir des fois des moments où il y a des gens qui vont créer en individuel. Hier, par exemple, on a vu cette chose assez incroyable de voir des gens créer ensemble sans s'être concertés, sans se connaître au préalable. Et tout d'un coup, dans le feu de l'action, dans le fait d'être en train de faire, tout simplement dire tiens, j'ai besoin que tu me tiennes le bout de tissu, je te tiens le bout de tissu, puis tiens, tout d'un coup il y a des échanges qui se croisent, des regards qui se croisent, des paroles, et du coup ça, c'est une des dynamiques de création collective qui se mettent en place et qui vont toucher vraiment du plus petit au plus âgé. Hier, on avait, il y avait un gaillard d'une, 25-30 ans, qui a accompagné deux petites filles pour les aider à faire ce qu'elle fait. Il a resté un bon bout de temps à les accompagner et on sentait que c'était, il y avait une complicité qui naissait dans ce qu'ils étaient en train d'inventer. Et oui, c'est chouette. On retrouve des valeurs humaines, puis de la cohésion entre les gens, même quand ils ne se connaissent pas. Et ça, c'est plutôt super sympa et très important. Ça devient un petit peu rare maintenant. Et voilà, ça fait plaisir. Et oui, un petit peu de chaleur humaine, en effet, ça fait plus que plaisir. Alors, on va se lancer tout de suite dans une nouvelle bulle de son avec All in One Night par Fatmir et Mura. Et on se retrouve juste après. Voilà pour ce moment en pleine symbiose avec la nature, en tout cas de façon auditive, pour accompagner aujourd'hui cette émission menée avec Robin au sujet de l'association Les Semeurs d'Art. C'est reparti pour cette interview. Qu'est-ce qui vraiment est important quand on va vers le public comme ça ? C'est sensibiliser à l'art, c'est amener en fait la culture chez les gens, peut-être pour ceux qui n'auraient pas le loisir ou la possibilité de se déplacer pour participer à ce genre d'atelier. Pourquoi aller vers le public comme ça ? Qu'est-ce qui est important ? Je crois que c'est la curiosité, l'envie de découvrir l'autre, autant que l'envie de partager. D'accord. Hein, on n'est pas plus, on n'est pas moins que les gens qu'on va voir. On fait une proposition et cette proposition, si elle est partagée, si les gens se la réapproprient, s'en saisissent et voilà et en font autre chose, nous on est heureux. Et je crois que c'est ce qui fait le cœur à la fois de la tournée puis aussi de nos métiers quelque part. Hein. C'est oui. des métiers de page et de partage et de curiosité. Et je crois que dans notre définition au niveau de l'association de l'artiste, c'est un mot qui a pris tellement de oui. pu prendre tellement de définitions. Enfin, en tout cas, dans celle qu'on va retrouver, on va retrouver cette question-là qui ces mots essentiels, quoi, vraiment, oui, de curiosité, de regarder, d'écouter, de sentir, et puis de volonté d'échanger, de partager. Oui. Ça va être les valeurs fortes, enfin, les mots forts qu'on va entendre et retrouver. C'est chouette. Raconte. D'accord. Donc là, c'est la deuxième édition de la tournée des Summer d'art. Oui. Alors, comment ça s'est passé l'année dernière? Est-ce que le public, les gens ont répondu présent? Est-ce que voilà, ça a motivé cette seconde édition? Est-ce que ça en motivera une troisième? C'est bien parti pour. D'accord. C'est bien parti pour. Je La première édition s'est passée. Au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, D'accord. on avait on s'était donné des objectifs assez modestes, oui. en disant voilà, si on a 10-15 personnes à chaque fois, on est content. Bon, on était entre 10 et 25, voire 40 pour certains villages, D'accord. Avec une régularité, avec des gens qui revenaient. Des gens qui disparaissaient un moment, parce que c'est l'été, on part en vacances quand même. Oui. Et puis qu'il y en a qui revenaient en revenant de vacances, ils n'avaient pas oublié, ils revenaient des villages où les gens arrivaient étaient là avant nous. Oui. Ils attendaient. D'accord. des villages, je me souviens d'un village où il y avait c'était le village, en l'occurrence là où on a eu le moins de fréquentation l'année dernière, mais où il y avait une petite fille, c'était son atelier du vendredi. Ah d'accord. Voilà, c'était décrété, c'était comme ça. C'était son atelier du vendredi et c'était. On pouvait pas louper. On pouvait pas louper. C'était des moments assez surprenants aussi dans un tout petit village où on a vu vraiment, on avait finalement quasiment un tiers des gens de la capacité des gens du village qui étaient présents et qui participaient à l'atelier. D'accord. Pas en moyenne au maximum, on va dire quand même et avec des soirées qui régulièrement terminaient en auberge espagnole, avec une soirée en particulier où on s'est retrouvé sur la place du village, il faisait noir, il n'y avait pas de lampadaire, donc du coup un des membres est parti chercher chez lui un vieux lampadaire qui traînait, qui était un vieux lampadaire de sa grand-mère ou son arrière-grand-mère en bois tourné, et avec cette image fantastique, on se retrouvait tous autour de cette lampe d'il y a 200 ans au milieu du village. C'était 800 ans, ouais, non, 200 ans. C'était très rigolo. Oui. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du vivant, qui est très difficile à raconter, à exprimer, mais qui est très fort dans ce qui se passe sur ces moments-là. Et puis il y a aussi le fait qu'on constate tout simplement que les gens viennent, les gens sont là, oui. participent, s'impliquent, repartent avec des envies particulières, viennent au début en disant je ne sais pas ce qu'on va faire. Et puis petit à petit, à force de venir, on sent que il y a un projet qui naît en eux, qui dessine, et que le projet, tout d'un coup, ils se mettent à le réaliser, ils se mettent en œuvre. Et oui. Voilà, pour nous l'année dernière, ça a été une belle réussite et ça nous a encouragé à poursuivre cette année. Hein, faut le dire, oui. cette année. Et si on a pu poursuivre cette année, c'est grâce à l'année dernière, au bilan qu'on a pu en faire. Et du fait que les partenaires comme la région Grand Est, le département 54, la communauté de communes, ça y est, Grand Couronné, ont suivi le projet et soutiennent le projet, ainsi que les associations de chaque village. Ah ben ça, c'est chouette. Alors, c'est ouvert à tous, gratuit et sans inscription. Si jamais on vient d'un petit peu plus loin que ces villages, est-ce qu'on peut quand même venir? Sans problème. L'année dernière, on avait des gens de Toulouse qui venaient. Ah ben voilà, donc comme ça, c'est génial. Si certains de nos auditeurs ont envie de participer, eh ben je remettrai toutes les infos concernant cette tournée. Et puis vous pourrez retrouver eh bien tout ça sur internet, hein, summerdarttoutattaché.com. Pas de panique, je remettrai cette adresse sans problème. Alors il y a eu un appel à candidature pour cette tournée 2018. Est-ce que pour la 2019, vous ferez à nouveau cet appel à candidature si certains artistes qui nous écoutent ont envie de participer, par exemple? Alors, c'est pas à moi de me prononcer là-dessus, hein, ce sera au bilan qu'on le fera de toute façon, mais ce que je peux quand même dire, c'est que ça se passe très bien. Et qu'il s'y passe des choses intéressantes, enfin, c'est très intéressant la façon dont ça se passe, on sent que, je pense que c'est, alors on en reparlera avec Emmanuel, en l'occurrence, qui était présente sur le mois de juillet, là. Et puis avec Caroline à la fin du mois d'août, bien entendu, mais de voir qu'est-ce que ça a pu leur apporter, au-delà de dire de bosser sur l'été, mais d'être dans cette approche particulière de son métier d'artiste, qui est de dire d'un coup je crée en proximité d'autres, de tous ceux qui veulent, et puis je crée en leur faisant partager l'envie et de créer, en les accompagnant aussi dans la création. On a senti Emmanuel évoluer au fur et à mesure des semaines, et c'est encourageant dans l'envie de continuer sur cette façon de faire, en disant oui, voilà, venez nous rejoindre dans ce travail-là, et on l'aborde vraiment en disant voilà, chacun il prend ses marques, il construit ses marques et il y amène sa touche, son approche artistique personnelle, pour la partager. Ça, c'est vraiment chouette. Pour la partager. Alors, tout au long de l'année, donc l'été, voilà, il y a cette fameuse tournée d'artistes. Tout au long de l'année, il y a des actions culturelles qui se mènent avec les scolaires, c'est ça? Oui. Okay. Alors là, on peut venir on peut venir dans les Vosges sans problème. Cette année, par exemple, on a intervenu sur Mercourt. On peut aussi accueillir des classes des Vosges qui peuvent se déplacer jusque chez nous. D'accord. On mène un projet qui s'appelle Espace d'art éphémère, où deux cas de figure, soit des artistes de l'association se déplacent sur l'école ou d'autres structures ou sur des sites choisis ensemble. D'accord. Nous accueillons des groupes sur un site qui s'appelle la Maison du Père Hilarion, qui se trouve à côté de Pont-à-Mousson, où là, l'association du Père Hilarion nous accueille de manière très sympathique. D'accord. Sur un site forestier, et le propos de ces espaces d'art éphémère, c'est d'amener différents publics à une découverte de nos métiers, mais sur un temps vraiment de sensibilisation, sur une demi-journée. Donc c'est une sortie pédagogique pour les écoles. D'ailleurs, c'est présent. C'est une action qui est présente dans le catalogue éducation du réseau éducation du parc naturel régional de Lorraine. D'accord. Ah, donc l'agrément de l'éducation nationale. Ok. Je le dis. Hein, c'est, ben bah, oui. C'est mieux. Voilà. Mais c'est des actions qui ont vraiment pour objectif de dire tout d'un coup, ben voilà, on va se confronter sur une demi-journée au fait d'improviser ensemble, en collectif, en pleine nature, au milieu de la forêt, en s'inspirant de ce qu'il y a autour de nous, où on va découvrir les encres végétales, où on va tout d'un coup découvrir le land art et se confronter tout d'un coup à dire je crée avec ce qu'il y a autour de moi, en portant mon regard sur ce qu'il y a autour de moi et en le projetant dans ma création. Voilà, donc là, c'est des temps de découverte qui sont ouverts aux écoles, aux accueils de loisirs, aux périscolaires. Wow, pas mal, d'accord. Qui sont des actions assez écrites. On intervient aussi sur des actions un peu plus longues, sur des contrats territoriaux d'action culturelle, sur des classes culture. D'accord. On amène un projet culturel spécifique. La vocation aussi de ces actions-là, elle a pour nous, c'est bizarre la phrase que je viens de dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Ces actions-là, elles ont vocation pour nous aussi à donner aux enseignants, aux animateurs, finalement une matière, de manière à ce qu'ils s'en saisissent, pour eux aller dans de la construction de projet dans la durée, après au-delà avec les enfants qu'ils accompagnent, pour exploiter ensuite, qu'ils se ressaisissent des projets, puisque c'est de toute toute façon, on va intervenir sur des temps qui vont être, même si c'est 5 séances, par exemple, qui est un format assez long, ça reste des temps courts, et sur 5 séances, ce qu'on fait, ça reste, bon, nous, ce qu'on va privilégier, ça va être vraiment la découverte, la recherche, le chemin parcouru. Oui. Plutôt que la pression de la réalisation finale. D'accord. Toutes sortes de projets menés par l'association Les Semeurs d'Art, dont nous parle aujourd'hui Robin, le porte-parole de l'association. On va se lancer doucement dans une bulle de son avec Incredo Siesta del Sol Aid. Et on se retrouve juste après. Thank you. Voilà pour ce moment repos, juste avant de reprendre cette émission, mais surtout restez calme, restez levé. Aujourd'hui on parle d'art, on parle aussi de respect entre nous les hommes, entre nous, avec notre chère Gaïa, tout un sujet passionnant, apaisant. On reprend tout de suite avec Robin, c'est parti. Alors l'association Semeur d'art donc, propose ces actions. Quels sont les artistes qui participent? Est-ce que ce sont justement des artistes qu'on pourra retrouver sur la tournée de cet été qui sont présents auprès des scolaires ou ce sont Martine essentiellement, moi aussi. Après, c'est des choses qui sont des projets qui sont évolutifs et donc comme sur la tournée, ben, que ce soit les deux artistes qui viennent de rejoindre finalement l'association, rejoindre l'association sur la tournée. Est-ce que ce sera le temps de la tournée? Est-ce que ce sera plus? Je pense que c'est plutôt que ce sera plus, mais voilà. Mais maintenant, ça va être effectivement l'idée de les pousser à nous faire une proposition, des propositions qui puissent rentrer dans ces actions d'espace d'art éphémère est une excellente idée. D'accord. Eh bien, super. Est-ce que l'association Semeur d'art propose des spectacles tout au long de l'année, en plus de la tournée de l'été? Alors, je pourrais parler de la semence et puis d'autres actions qu'on mène. Oui. La semence que vous trouvez aussi sur le site, qui est la construction d'un programme culturel qui se co-construit avec les habitants sur le modèle des AMAP. D'accord. Et qui va intégrer, donc du coup, dans son programme, des temps de diffusion culturelle, des temps de spectacle ou d'exposition, et des temps d'action culturelle avec les artistes de ces spectacles ou les plasticiens qui amènent des expositions. À ce titre, cette année, on a mené trois spectacles entre mai et juin. Oui. Il y a deux autres spectacles qui seront accueillis sur la période octobre-novembre. D'accord. Et puis, encore Martine, vous allez me dire. Et puis Martine qui fait un travail plastique, là, surtout tout l'été, et qui va aboutir ses expositions suite à un travail qu'elle mène sur des sites de production des AMAP, donc sites de maraîchage ou d'autres centres de culture. Oui. Ce travail-là, par exemple. Et puis, cette spécificité de la semence, c'est d'avoir, d'être sur le modèle AMAP. D'accord. Donc, dit modèle AMAP, dit plusieurs choses. Dit déjà la co-construction, dit l'implication des citoyens dans la construction du projet et dans sa construction, tant logistique, humaine et de ses choix, mais aussi dans sa construction économique. D'accord. Puisqu'on fonctionne, on est sur un mode de contribution citoyenne, oui. Avec, vous connaissez certainement le reçu fiscal à la clé. Oui. Pas à la clé, si c'était ça l'objectif, on se serait bien trompé. Oui. L'objectif, c'est vraiment la création des programmes culturels. Et puis du coup, ben, comme dans une AMAP, elle se pose en disant on va soutenir un maraîcher, on va soutenir un producteur. Et elle se construit autour de cette idée-là. La semence, de la même manière, se construit dans l'idée de soutenir un ou des artistes du territoire. Alors du territoire, c'est quelque chose, une notion relativement large que pour un maraîcher, hein, c'est plus que 30 km, mais en tout cas des artistes qui sont dans une proximité de valeur et de distance kilométrique et qui sont en cohérence avec le projet. Donc de la même manière qu'ils vont amener un projet artistique qui est cohérent avec l'environnement de la MAP, oui. Donc des spectacles qu'on va amener sur des sites de production, hein, je pense par exemple à Normalement ça pousse qu'on a joué chez des maraîchers. D'accord. Par exemple, et puis une continuité du coup aussi de la semence à soutenir ces artistes-là, comme la MAP soutient des maraîchers dans la durée, donc une continuité de soutien. Après attention, une continuité de soutien, ça ne veut pas dire un monopole non plus. Oui. Hein, le plaisir d'un projet comme la semence, c'est aussi d'accueillir différents artistes. Alors d'avoir effectivement de marquer qu'on soutient des artistes et qu'on va continuer à les soutenir, mais d'accueillir en même temps d'autres projets. Cette année, par exemple, un des grands plaisirs de cette année, ça a été d'accueillir deux artistes qu'on a nommés comme invités, qui sont voisins, ils sont pas très loin, ils sont par exemple les Naïcs et Berlin qui viennent d'Alsace, de la région, et puis Bertrand de Vandeville qui vient d'Amiens, donc de la région voisine juste à côté, en l'occurrence, et qui sont venus en artistes invités sur la semence, avec cette idée que la culture c'est s'enrichir de ce qu'il y a autour de nous et de elle est autour de nous la culture, mais c'est aussi la culture, c'est aussi ce qui vient d'un peu plus loin, et c'est la curiosité du partage et de la rencontre avec l'autre. Ah bah c'est tellement bien dit. Tellement bien dit. Avant de terminer cette émission aujourd'hui spécialement dédiée à l'association Les Semeurs d'Art, dont Robin a eu la grande gentillesse de nous parler aujourd'hui, eh bien je vous propose de se lancer dans notre dernière bulle de son avec Adiemus et l'on se retrouve juste après. Thank you. Nous sommes toujours ensemble, vous êtes bien sur Radio Guémozo, dans la bulle de l'IA aujourd'hui, émission consacrée au Summer d'art. Cette émission, elle est passée à toute vitesse, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. On retrouve Robin pour les dernières minutes restantes de cette émission. Est-ce que, avant que l'on termine notre émission ensemble, vous auriez d'autres choses à dire à nos auditeurs ? Un dernier mot. Qu'est-ce que j'aurais à dire ? Ah, j'aurais envie d'aller leur dire, de leur dire, mais profitez du temps qu'il fait. Oui. Après la petite sieste de l'après-midi, parce qu'il fait très très chaud, allez faire un tour en forêt, allez faire un tour, et puis saisissez pour ceux qui ont envie avec leurs mains, voilà, ce qu'il y a autour de vous pour créer. Pour ceux qui veulent, laissez votre imaginaire vous porter, et puis prenez des notes, racontez, écrivez, et allez vous promener. Oui. Allez écouter les autres, et puis laissez-vous porter par votre création. Bah, ouvrez-vous. J'ai envie de dire c'est super. Ouvrez-vous au monde. N'ayez pas peur de laisser aller votre créativité, rêver. Et ça, c'est juste parfait comme programme. Merci beaucoup, Robin, de nous avoir accordé ce temps pour nous parler de l'association Les Semeurs d'Art, dont on remettra toutes les informations avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Une très, très bonne route. Et puis surtout, continuez à semer. Hein, c'est juste parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, et puis un gros bonjour à tous les artistes présents avec vous, et puis à tous les gens qui s'investissent, parce qu'il faudrait des actions comme ça un petit peu partout, ça serait juste magnifique. Tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup, à très très bientôt. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée. Voilà pour notre émission d'aujourd'hui. Sachez que cette émission sera diffusée, rediffusée cette nuit pour les couches tard à minuit, qu'elle sera présente sur notre page Facebook et notre site internet. En attendant, quelques petites précisions. Vous pourrez retrouver l'association Summer d'art sur www.summer avec un S d'art avec un S tout attaché.com pour retrouver toutes leurs actions, leur spectacle, et puis leur tournée de l'été comme nous en avons parlé au début de cette émission. Sachez que l'association est également présente sur Facebook, Summer avec un S d'art avec un S tout simplement. Vous pourrez retrouver de sublimes photos, notamment de land art. C'est vraiment des choses magnifiques. Ça fait du bien d'avoir des artistes en pleine connexion avec la nature. Ça fait vraiment plaisir, surtout quand ils viennent pour partager tout ça avec nous, avec le public. Alors, on n'oublie pas que cette association Summer d'art est soutenue par la DRAC Grand Est. La région Grand Est, le conseil départemental 54 et 55, la communauté de communes de Made et Moselle, ainsi que celle de Côte-de-Meuse-Wauvre et le parc naturel régional de Lorraine. Si vous voulez en savoir plus, ça se passe sur internet, comme je vous l'ai dit juste avant. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous serez bien détendu, surtout profitez de cette sublime journée. Faites attention quand même avec la chaleur, prenez toutes les précautions nécessaires. On se retrouve demain pour une nouvelle émission consacré au club Forge Monde pour des jeux de rôle. Je laisserai tout le suspense pour vous jusqu'à demain. En tout cas, on a bien rigolé. Ils étaient 5 dans les studios. Ça a déménagé. Donc, on se retrouve demain sans faute. En attendant, c'est comme tous les jours. Prenez bien soin de vous et surtout, bonheur, rire et joie à tous. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, that method's pro. Promethazine, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown.